Chapitre 10e. Au bout d'une semaine environ, chacun avait pris ses habitudes. Mais malgré la bonne réception qu'ils avaient trouvée à Combe, les parents de Mr. Thorpe attendaient avec impatience le moment de rentrer chez eux. Toutes ces personnes, qu'ils ne devaient plus se rencontrer, n'avaient pas d'estime et encore moins d'amitié les unes pour les autres. Mr. Spencer s'ennuyait à la mort et ses deux fils l'imitaient. Les trois Galloises, qui n'éprouvaient de sympathie que pour Sophie, la trouvaient monotone, et les Heathcote regrettaient leur vie simple de Bamboo Cottage. Personne n'avait deviné les sentiments de Sir Charles pour Florence. Mais Mr. Thorpe savait gré à son ami de ses soins complaisants pour les deux enfants de sa sœur Marie. Algernon, tout préoccupé de la magnifique bibliothèque, ne pensait guère à Florence. Et jamais Mr. Heathcote n'aurait supposé que sa charmante fille avait pu inspirer une violente passion au jeune baronnet. Trois personnes seules virent expirer avec peine le 15e jour du voyage. C'était Florence, Algernon et Sir Charles, entre lesquels s'était formée une douce intimité à laquelle le moment était venu de renoncer. « Quel bonheur! Voilà une fière affaire de terminer !» s'écria Mr. Thorpe en rentrant dans sa maison redevenue calme. « Ai-je bien fait les honneurs de ma maison, Charles ?»« À merveille, monsieur. Ils ont dû vous ennuyer tous ?»« Pas tous, mon ami. »« Ah, il faut que je vous remercie de l'intérêt que vous avez témoigné à ce pauvre être maladif. Il est malheureux qu'il ne puisse pas vivre, car il est bien beau et paraît très intelligent. »« Pas vivre, monsieur ? Mais il n'a jamais été si bien portant. Et si c'est seulement cette crainte qui vous empêchait de l'étudier davantage, j'en suis désolé, car sa santé s'améliore au contraire. N'en parlons plus, mon ami. Je vous assure qu'il est fort mal, et que les médecins ont affirmé qu'il ne vivrait pas. Maintenant, mon ami, je suis un peu fatigué. Je vais me reposer et reprendre mes habitudes trop longtemps négligées. Venez donc dîner avec moi, car nous avons à causer ensemble. Le jeune homme promit de venir le lendemain et partit, le cœur bien triste et rempli du souvenir de Florence. Mr. Thorpe ordonna à Mrs. Barnes de lui remettre la note des dépenses occasionnées par le séjour de ses parents, puis, après l'avoir payée, il défendit qu'on n'en reparlât jamais. La maison reprit son train habituel, et quand Sir Charles se rendit le lendemain à l'invitation de Mr. Thorpe, il le trouva dans son salon, assis dans son fauteuil, avec son pupitre à côté de lui, et son chat à ses pieds, sur un coussin comme à l'ordinaire. Après le dîner, les deux amis gardèrent quelque temps le silence. Enfin, Mr. Thorpe le rompit le premier. « Maintenant, Charles, j'attends vos conseils. Qu'avez-vous remarqué pendant ces 15 jours et à qui m'engagez-vous à laisser mes biens ?» Sir Charles, après avoir un peu réfléchi et ne voulant pas nommer Florence, qu'il espérait pouvoir épouser un jour, ce qui aurait précisément amené le résultat qu'il avait voulu empêcher en refusant l'héritage de son ami, lui répondit enfin « Je ne vois qu'Algernon qui soit vraiment digne de vous succéder, mon ami. Folie ! Vous savez bien que je n'irai pas choisir pour remplacer mon fils un enfant qui doit mourir aussi jeune que Cornelius. N'en parlons plus, je vous prie. » « Alors ce sera donc un des fils Spencer ? Non, certes, je les trouve insipides et ne veux rien leur donner. Quant aux Mrs. Wilkins, elles sont assez riches pour se passer de mes bienfaits. » Sir Charles se rappela les prédictions d'Algernon et tressaillit. J'ai fait choix, reprit Mr. Thorpe, d'un pauvre être privé de bonheur qui n'a ni père ni mère, ni ami ni fortune. Sophie Martin sera propriétaire de Combe après ma mort. Non seulement j'ai découvert en elle des qualités de cœur et d'esprit, mais elle me rappelle mon pauvre fils autant que si elle était sa sœur. Puisse-t-elle être digne de vos bontés ? Et les deux amis retombèrent dans le silence. Après une soirée assez triste, ils se séparèrent. Quelques jours plus tard, Sir Charles annonça à Mr. Thorpe qu'il ne pouvait différer son voyage en Italie, et il vint dîner une dernière fois avec lui. Le baronnet retournait chaque jour dans le bois, à l'endroit où il avait entendu pour la première fois chanter Florence, et il ne se sentait plus la force de quitter ce pays où il l'avait connue. Enfin, la raison prit le dessus, et le jour du départ fut fixé. Après avoir dit adieu à son ami, et donné un dernier regard aux objets auxquels Florence avait laissé comme une empreinte de son souvenir, il partit. Mais son cœur était gros de pressentiments douloureux. Quand il se retrouva seul et privé de son conseil intime, Mr. Thorpe se décida à faire un testament en règle. Il envoya donc un matin James porter une lettre à Cropthill Cottage. Cette lettre était adressée à Joseph Wesley Easy. Dès le lendemain, ce personnage vint au château et Mr. Thorpe s'enferma avec lui dans son cabinet. l'entretien dura longtemps. Les domestiques n'ignoraient pas que Mr. Wesley était notaire et que leur maître prenait avec lui ses dernières dispositions. Aussi, cette circonstance était-elle l'objet de leur attention. Mrs. Barnes ne manqua pas d'en causer dans sa chambre avec sa nièce Nancy. « Qui croyez-vous qui hérite, ma nièce ?» demandait la vieille dame à la jeune fille avec l'importance d'une femme qui se croit bien informée. « Voyons, devinez !» « J'espère que ce ne sont toujours pas ces trois grandes filles si maigres, si laides et si coquettes. Oh, d'abord, je ne pouvais pas les voir. Je les déteste. »« Je suis de votre avis, Nancy. Je suis sûr que celles-là n'ont pas de grande chance. Continuez. »« Monsieur a trop bon goût pour choisir cette petite noiraude si laide, si familière, et qui n'a pas plus l'air d'une femme du monde que la première servante venue. »« Ah, Nancy. » « Quoique je ne pense pas non plus que monsieur la choisisse, je sais positivement qu'elle ne lui était pas trop désagréable. »« Enfin, ma tante, je parierais que monsieur les Grasses sont bien cette jolie demoiselle si polie, quoiqu'elle ne soit pas familière, et qui aime tant son frère et sa belle-mère. »« Vous vous trompez, Nancy. Tout ceci ira à l'aîné des fils Spencer. Monsieur l'aime beaucoup, puis il lui trouve de la ressemblance avec son pauvre fils. »« Je dois vous croire, ma tante, parce que vous êtes bien informée, mais je n'aurais jamais pensé cela. » Quelques jours après cette conversation, Mr. Thorpe envoya prier deux de ses voisins de venir lui servir de témoin et signer son testament. Puis, quand toutes les formalités furent remplies, il remit le papier au notaire et se sentit débarrassé d'un poids énorme. Pendant quelques semaines, il végéta tristement, puis il se sentit tout d'un coup plus souffrant. Il essaya 20 tisanes différentes. Rien ne dissipa sa langueur. Et il prit enfin le lit avec une résignation qui épouvanta sa bonne femme de charge. Lui, qui d'ordinaire se mettait en fureur à la vue d'un médecin, il recevait le sien tous les jours sans se plaindre. Il se laissait soigner, veiller, dorloter par Mrs. Barnes, et la pauvre femme, en voyant de tels symptômes, se prit d'avance à pleurer son maître. Il fallait en effet qu'il fût mourant pour être si tranquille. Elle ne se trompait pas. Un matin qu'après une veille de 4 nuits consécutives, Mrs. Barnes était un peu fatiguée. Mr. Thorpe reprit un instant le ton grondeur qui lui était autrefois habituel et s'écria en se mettant sur son séant « Allez donc vous reposer, Barnes. Vous voyez bien que je vais beaucoup mieux aujourd'hui et que je n'ai besoin de personne. » En entendant ces mots, la pauvre vieille ne se sentit pas de joie. Mais hélas, quand au bout de 2 heures elle revint près du malade, elle le trouva tellement changé qu'elle vit bien que sa dernière heure était venue. Je ne suivrai pas torture par torture l'agonie du vieillard. Je dirai simplement qu'il mourut 1 mois après avoir fait son testament. Mrs. Barnes envoya prévenir Mr. Wesley pour lui annoncer le triste événement et le pria d'écrire le plus tôt possible aux parents et aux amis de Mr. Thorpe de Combe.